Connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Dernière chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, L'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. Vendredi 18 mai, on va ouvrir l'hôpital de sport local et régional. D'abord, en parlant d'une grosse nouvelle à Roberval, Hugo Maltais, qui était le président du hockey mineur depuis 7 ans, a remis sa démission à titre de président. C'est suite à un appel anonyme qui a été logé au directeur de la cité étudiante de Roberval que Hugo Maltais a décidé de remettre sa démission. Dans cet appel, on remettait en doute l'honnêteté de l'ancien président du hockey mineur. Le tout sera officiel le 21 mai lors de l'Assemblée générale. Maintenant, autre nouvelle, maintenant au hockey, Mathieu Caron a été nommé comme premier commissaire de la Ligue senior du Lac-aux-Fleuves. Caron, qui a remplacé à pied levé Bob Desjardins, qui avait remis sa démission l'automne dernier, aura comme mandat de trouver des commanditaires et également il va s'occuper du volet administratif de la Ligue. Dans la section entrevue de danradiosport.com, on a continué à faire un petit peu le portrait des joueurs qui pourraient être repêchés par les Saguenay lors du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec le 2 juin prochain à Shawinigan. Rappelons que les Sags ont le premier choix. Hier, on a parlé avec Patrick Gay. Et Patrick Gay est classé au troisième rang par la centrale de recrutement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Évidemment, lui est content de son année puisqu'il a porté les couleurs des Cantoniers de Magog qui ont failli gagner la Coupe TELUS. Satisfait, honnêtement, ça a été une très belle saison en général, tant sur le plan personnel que sur le plan en équipe. On s'est rendu très loin cette année, c'est ça qu'on voulait, fait que je suis très content. Patrick Gay nous parle de ses principales forces. C'est mon sens du hockey, ma principale force. Après ça, je dirais que je suis un gars avec des bonnes habiletés offensives et défensives. Okay. Donc, je dirais que ça, c'est mes deux forces principales. Patrick Gay aime bien se comparer à un certain John Tavares. Bien me comparer à John Tavares, le capitaine des Islanders de New York. Okay. C'est un très bon capitaine, un très bon leader. Et il a des bonnes habiletés. Donc, moi, j'essaie de le plus possible de ressembler à lui parce que c'est un très bon joueur. OK. Ça avait mal viré entre les relations entre Nicolas Gay, qui est le frère de Patrick Gay, et Yannick Jean. Finalement, Yannick Jean l'avait échangé lors de son passage à Chicoutimi. Et Patrick Gay mentionne que s'il est repêché par les Saguenay de Chicoutimi, il va se présenter avec plaisir à l'équipe de Yannick Jean. Ouais, si Yannick Jean me repêcherait, c'est sûr que j'irais à Chicoutimi. Moi et mon frère, honnêtement, c'est deux choses différentes. On est pas mal pareil, je dirais, sur la glace, mais hors glace, on est pas pareil tout à fait. Donc, ce serait deux histoires différentes, je dirais, puis oui, je serais prêt à venir là si jamais il me repêcherait. Là. L'Association régionale de soccer de Saint-Hilaire-Saint-Jean a dévoilé où ont démarré leur saison et on pense à réussir à aller chercher 5000 inscriptions au Saint-Hilaire-Saint-Jean. L'an dernier, l'Association régionale avait 4800 membres. Et la plus grosse année, ce fut 5200 en 2015. Du côté du développement, on va beaucoup, beaucoup former les entraîneurs et les arbitres. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Bernard Barré. On sait qu'il y a un combat entre Adonis Stevenson et Badou Jack en fin de semaine. Et on a parlé avec Patrick Gay, qui est classé au troisième rang de la centrale de recrutement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.